cher bien-aimé, vous qui écoutez ce message, sachez-le que Christ vous aime. Il a donné sa vie en échange pour notre salut. Lui qui était dans sa gloire. Guérison, son sang a coulé pour ton salut. Et il t'appelle mon frère, il t'appelle ma sœur. Peux-tu lui dire oui? Car la parole déclare, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Et la vie c'est Christ. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie éternelle. Je suis le pain descendu du ciel. Quiconque mangera ce pain aura la vie éternelle. Il était frappé comme un animal. Il est mort d'une mort atroce, une mort horrible, une mort violente. La foule criait, crucifiez-le, l'homme de Galilée, l'homme des miracles. Mais le voici, entre les mains des Romains, en train de mourir, à cause de toi, à cause de moi. C'est moi qui méritais cette mort. C'est toi qui méritais cette mort. Mais cependant, il est devenu notre substitut pour que nous recevions le salut, le pardon, la restauration et la guérison de notre âme. Mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu considères le portrait de Jésus sur la croix du calvaire, en train de peiner, en train de pleurer, en train de saigner. Et il a poussé un grand cri. Tout est accompli. Il a acquis les salis pour l'humanité entière. Pourquoi ne pas s'incliner, s'humilier devant lui? Il t'appelle, mon frère, ma sœur. Peux-tu répondre au son de sa voix? Les salis des nations, les salis du monde. His name is Jesus Christ. He's calling you today. Tout ce que tu as besoin, c'est de t'incliner devant lui et jeter au pied de la croix et l'accepter. Il a tant souffert pour toi. Celui qui était sans péché, il n'avait jamais connu le péché, jamais commis le péché. Mais cependant, il est devenu péché. Et le prophète Esaïe a dit, c'est de nos douleurs, de nos souffrances, de nos péchés qu'il s'est chargé. Il a été déclaré coupable, innocent qu'il était, pour que toi qui étais coupable, qui soit innocenté. Il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Tout ce qui était signé contre nous, la condamnation, il a déchiré. Le cours suprême du ciel t'a déclaré non coupable. Parce que lui, il a été déclaré coupable à ta place. Jésus de Nazareth. J'aimerais que tu tournes ton cœur, ton âme vers lui et que tu lui dises, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin de ta visitation, j'ai besoin de ton attouchement, j'ai besoin de ta présence. Sans toi, ma vie n'a pas de sens, sans toi, ma vie n'a pas de valeur, mais tu es le seul qui connaît ma définition, qui connaît ma raison d'être. Viens dans ma vie, viens dans mon cœur. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, les narcisses des salons, les lys de la vallée, l'étoile brillante du matin, le rocher de mon salut, mon rédempteur, mon avocat général, la lumière du monde, le sauveur des nations, le bon berger, le redoutable, le Dieu suprême, le roi de gloire, le véritable, la pierre angulaire, la lumière du monde. We love you, Lord. We love you, Jesus. Lord of lords, King of kings. Blessed be your precious name.